1 Jean 12 Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est accompli en nous. 13 À ceux si nous savons que nous demeurons en lui, comme lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous avons accès à Dieu, par Jésus-Christ. C'est par le Saint-Esprit que nous obtenons le réconfort, la joie, la paix et même l'agitation. Nous obtenons également le discernement, le jugement et la conviction par le Saint-Esprit. Dieu est saint. En tant que tel, Dieu ne peut pas être en présence du mal. Le sang de Jésus-Christ couvre nos péchés, nous permettant d'approcher le Dieu saint. Le Saint-Esprit nous convainc de nos péchés, les ramène à notre esprit, et à partir de là, nous pouvons nous examiner avec l'aide du Saint-Esprit pour commencer à tailler les domaines de notre vie que nous n'avons pas soumis à la soumission et ces domaines de nos vies qui ne peuvent être sanctifiés. Le Saint-Esprit apporte des troubles dans nos vies, ainsi que la paix. L'agitation est l'incitation lente, régulièrement que nous devons marcher sur les chemins de la justice. Alors que nous nous égarons sur le chemin, le Saint-Esprit nous ramène là où nous devrions être. Si nous devenons belliqueux ou obstinés, alors le Saint-Esprit peut utiliser plus de force. Nous sommes aimés de Dieu. Nous n'avons pas besoin de lutter pour l'acceptation du monde extérieur ou des autres. L'aspect de savoir qui nous sommes est intégralement lié à notre relation avec Dieu. À travers Jésus-Christ notre Sauveur. L'amour abondant de Dieu nous complète, nous rend entiers. Lorsque nous prenons la décision de demander à Jésus-Christ d'être notre Seigneur et Sauveur, la Seigneurie du Christ nous oblige à nous soumettre pleinement à ce qu'il veut que nous fassions. Le salut du Christ nous oblige à nous souvenir, à reconnaître et à percevoir le sacrifice suprême de Jésus en nous donnant accès au Dieu Saint et à la vie éternelle. Nous avons été guéris. Nous avons une valeur et une valeur parce que Dieu dit que nous avons une valeur et une valeur. Il est alors de notre responsabilité de vivre notre vie, en tant que chrétiens, comme ceux qui ont de la valeur et démontrent et promulguent cette compréhension à ceux qui se sentent sans valeur et sans valeur. Nous reconnaissons l'amour de Dieu et le Saint-Esprit chez d'autres chrétiens. Nous sommes un. Nous sommes l'Église. Lorsque nous rencontrons d'autres chrétiens, nous devrions pouvoir ressentir immédiatement notre parenté. Créé par Kevin Griffith. Février 4, 2021.